Mwen kon fè sak fè mwen pa wè ou. Mwen kon fè sak fè mwen pa wè ou. Mwen kon fè sak fè mwen pa wè ou. Mwen kon fè sak fè mwen pa wè ou. Mwen kon fè sak fè mwen pa wè ou. Mwen kon fè sak fè mwen pa te wè ou. Ay, mwen kon fè sak fè mwen pa wè ou. Mal man de bougou, yo di mou ke la fi e ba. Ay, mwen kon fè sak fè mwen pa wè ou. A la traka pou jen da son kalma ki a kon fòm la la vi te men kota mel mel. La planta, la planta. La fièvre, comment? Famille, on est malade. Et puis, yo, dis-moi comment madame, on dit, j'en ai convalescent. Vous comprenez, moi, ça, vous comprenez? Famille, on est malade. Alors, vous comprenez, même si vous avez madame, on dit, j'en ai convalescent. Famille, on est malade. Ces machines-là, pour monter perpétuelles, vous comprenez, on dit, j'en ai patiné, vous comprenez, bah, ça, vous pas que l'autre bagaille pour baler. Vous pas que l'autre bagaille pour baler. Tibom. Tibom. Alors, les films baltés, tibom, non? Alors, reste tibom, non? Pour nous mettre dans la chaise portative, pour nous mettre chita là-dedans. Avec ça, comprendre. Ou abjouer nous 10 gens sec, coupé. Et puis, on l'autre, notre encore, ou abjouer nous caliente, si bémol. Vous comprenez? Alors, même si par exemple, pourquoi on a toujours un camarade qui nous a fait un petit coup de volant, qui t'a fait un petit coup de volant, comprendre? Les films conduits machine, non? Comprendre? Au bon, on est dans conduit. Là, bas la droite, la gauche. Là, bas la gauche, la droite. Vous comprenez? Au bon. Alors, on est. Faut remettre comme là. Parce qu'il y a une louange pour le faire pour vous. Il y a pour le dire, oh, mes amis, oh. À la bonne machine est elle là-bas. Vous comprenez? Mais, on va arriver pas quitter faire prudence. Pas laisser faire prudence. Sous qu'un malais, quitter le bottin de papa. Regardez nos machines à dégringoler avec vous. Regardez nos c'est patinaille. Vous comprenez? Tout roule à chimie. Ah. Mon copain, ça fait moins pas well. Mon copain, ça fait pas well. Mon copain, ça fait moins pas well. Mon copain, ça fait moins pas well.